Livre troisième, Histoire. Chapitre premier, du christianisme dans la manière d'écrire l'histoire. Si le christianisme a fait faire tant de progrès aux idées philosophiques, il doit être nécessairement favorable au génie de l'histoire, puisque celle-ci n'est qu'une branche de la philosophie morale et politique. Quiconque rejette les notions sublimes que la religion nous donne de la nature et de son auteur se prive volontairement d'un moyen fécond d'images et de pensées. En effet, celui-là connaîtra mieux les hommes qui aura longtemps médité les desseins de la Providence. Celui-là pourra démasquer la sagesse humaine qui aura pénétré les ruses de la sagesse divine. Les desseins des rois, les abominations des cités, les voies iniques et détournées de la politique, le remuement des cœurs par le fil secret des passions, ces inquiétudes qui saisissent parfois les peuples, ces transmutations de puissance du roi au sujet, du noble au plébéien, du riche au pauvre. Tous ces ressorts resteront inexplicables pour vous si vous n'avez, pour ainsi dire, assisté au conseil du Très-Haut avec ses divers esprits de force, de prudence, de faiblesse et d'erreur qu'il envoie aux nations qu'il veut ou sauver ou perdre. Mettons donc l'éternité au fond de l'histoire des temps. Rapportons tout à Dieu comme à la cause universelle. Qu'on vante tant qu'on voudra celui qui, démêlant les secrets de nos cœurs, fait sortir les plus grands événements des sources les plus misérables. Dieu attentif au royaume des hommes. L'impiété, c'est-à-dire l'absence des vertus morales, devenant la raison immédiate des malheurs des peuples. Voilà, ce nous semble, une base historique bien plus noble et aussi bien plus certaine que la première. Et pour en montrer un exemple dans notre Révolution, qu'on nous dise si ce furent des causes ordinaires qui, dans le cours de quelques années, dénaturèrent nos affections et affectèrent parmi nous la simplicité et la grandeur particulières au cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu s'étant retiré du milieu du peuple, il ne resta de force que dans la tâche originelle, qui reprit son empire, comme au jour de Caïn et de sa race. Quiconque voulait être raisonnable sentait en lui je ne sais quelle impuissance du bien. Quiconque étendait une main pacifique voyait cette main subitement séchée. Le drapeau rouge flotte aux remparts des cités. La guerre est déclarée aux nations. Alors s'accomplissent les paroles du prophète. Les eaux des rois de Juda, les eaux des prêtres, les eaux des habitants de Jérusalem seront jetées hors de leur sépulcre. Coupables envers les souvenirs, on foule aux pieds les institutions antiques. Coupables envers les espérances, on ne fonde rien pour la postérité. Les tombeaux et les enfants sont également profanés. Dans cette ligne de vie qui nous fut transmise par nos ancêtres, et que nous devons prolonger au-delà de nous. On ne saisit que le point présent, et chacun se consacrant à sa propre corruption, comme un sacerdoce abominable, vit tel que si rien ne l'eût précédé, et que rien ne le dût suivre. Tandis que cet esprit de perte dévore intérieurement la France, un esprit de salut la défend au dehors. Elle n'a de prudence et de grandeur que sur sa frontière. Au-dedans, tout est abattu, à l'extérieur, tout triomphe. La patrie n'est plus dans ses foyers, elle est dans un camp, sur le Rhin, comme au temps de la race de Mérové. On croit voir le peuple juif chassé de la terre de Gessen et domptant les nations barbares dans le désert. Une telle combinaison de choses n'a point de principe naturel dans les événements humains. L'écrivain religieux peut seul découvrir ici un profond conseil du Très-Haut. Si les puissances coalisées n'avaient voulu que faire cesser les violences de la Révolution et laisser ensuite la France réparer ses maux et ses erreurs, peut-être eussent-elles réussi. Mais Dieu vit l'iniquité des cours. Il dit aux soldats étrangers « Je briserai le glaive dans ta main et tu ne détruiras point le peuple de Saint-Louis ». Ainsi, la religion semble conduire à l'explication des faits les plus incompréhensibles de l'histoire. De plus, il y a dans le nom de Dieu quelque chose de superbe, qui sert à donner au style une certaine emphase merveilleuse, en sorte que l'écrivain le plus religieux est presque toujours le plus éloquent. Sans religion, on peut avoir de l'esprit, mais il est difficile d'avoir du génie. Ajoutez qu'on sent, dans l'historien de foi, un ton, nous dirions presque un goût d'honnête homme, qui fait qu'on est disposé à croire ce qu'il raconte. On se défie au contraire de l'historien sophiste, car, représentant presque toujours la société sous un jour odieux, on est incliné à le regarder lui-même comme un méchant et un trompeur. Chapitre 2. Causes générales qui ont empêché les écrivains modernes de réussir dans l'histoire. Première cause, beauté des sujets antiques. Il se présente ici une objection. Si le christianisme est favorable au génie de l'histoire, pourquoi donc les écrivains modernes sont-ils généralement inférieurs aux anciens dans cette profonde et importante partie des lettres? D'abord, le fait supposé par cette objection n'est pas d'une vérité rigoureuse, puisqu'un des plus beaux monuments historiques qui existent chez les hommes, le discours sur l'histoire universelle, a été dicté par l'esprit du christianisme. Mais, en écartant un moment cet ouvrage, les causes de notre infériorité en histoire, si cette infériorité existe, méritent d'être recherchées. Elles nous semblent être de deux espèces. Les unes tiennent à l'histoire, les autres à l'historien. L'histoire ancienne offre un tableau que les temps modernes n'ont point reproduit. Les Grecs ont surtout été remarquables par la grandeur des hommes, les Romains par la grandeur des choses. Rome et Athènes, parties de l'état de nature pour arriver au dernier degré de civilisation, parcourent l'échelle entière des vertus et des vices, de l'ignorance et des arts. On voit croître l'homme et sa pensée. D'abord enfant, ensuite attaqué par les passions dans la jeunesse, fort et sage dans son âge mûr, faible et corrompu dans sa vieillesse. L'état suit l'homme, passant du gouvernement royal ou paternel au gouvernement républicain, et tombant dans le despotisme avec l'âge de la décrépitude. Bien que les peuples modernes présentent, comme nous le dirons bientôt, quelques époques intéressantes, quelques règnes fameux, quelques portraits brillants, quelques actions éclatantes, cependant, il faut convenir qu'ils ne fournissent pas à l'historien cet ensemble de choses, cette hauteur de leçons qui font de l'histoire ancienne un tout complet et une peinture achevée. Ils n'ont point commencé par le premier pas. Ils ne se sont point formés eux-mêmes par degrés. Ils ont été transportés du fond des forêts et de l'état sauvage, au milieu des cités et de l'état civil. Ce ne sont que de jeunes branches hantées sur un vieux tronc. Aussi tout est ténèbre dans leur origine. Vous y voyez à la fois de grands vices et de grandes vertus, une grossière ignorance et des coups de lumière, des notions vagues de justice et de gouvernement, un mélange confus de mœurs et de langage. Ces peuples n'ont passé ni par cet état où les bonnes mœurs font les lois, ni par cet autre où les bonnes lois font les mœurs. Quand ces nations viennent à se rasseoir sur les débris du monde antique, un autre phénomène arrête l'historien. Tout paraît subitement réglé, tout prend une face uniforme. Des monarchies partout, à peine de petites républiques qui se changent elles-mêmes en principautés ou qui sont absorbées par les royaumes voisins. En même temps, les arts et les sciences se développent, mais tranquillement, mais dans les ombres. Ils se préparent, pour ainsi dire, des destinées humaines. Ils n'influent plus sur le sort des empires. Relégués chez une classe de citoyens, ils deviennent plutôt un objet de luxe et de curiosité qu'un sens de plus chez les nations. Ainsi, les gouvernements se consolident à la fois. Une balance religieuse et politique tient de niveau les diverses parties de l'Europe. Rien ne s'y détruit plus. Le plus petit état moderne peut se vanter d'une durée égale à celle des empires des Cyrus et des Césars. le christianisme a été l'ancre qui a fixé tant de nations flottantes. Il a retenu dans le port ces États qui se briseront peut-être s'ils viennent à rompre l'anneau commun où la religion les tient attachés. Or, en répandant sur les peuples cette uniformité et pour ainsi dire cette monotonie de mœurs que les lois donnaient à l'Égypte et donnent encore aujourd'hui aux Indes et à la Chine, le christianisme a rendu nécessairement les couleurs de l'histoire moins vives. Ces vertus générales, telles que l'humanité, la pudeur, la charité, qu'il a substituées aux douteuses vertus politiques, ces vertus, disons-nous, ont aussi un jeu moins grand sur le théâtre du monde. Comme elles sont véritablement des vertus, elles évitent la lumière et le bruit. Il y a chez les peuples modernes un certain silence des affaires qui déconcerte l'historien. Donnons-nous de garde de nous en plaindre. L'homme moral parmi nous est bien supérieur à l'homme moral des anciens. Notre raison n'est pas pervertie par un culte abominable. Nous n'adorons pas des monstres. L'impudicité ne marche pas, le front levé, chez les chrétiens. Nous n'avons ni gladiateurs, ni esclaves. Il n'y a pas encore bien longtemps que le sang nous faisait horreur. Ah ! N'envions pas aux Romains leur Tacite, s'il faut l'acheter par leur Tibère. Chapitre 3. Seconde cause. Les anciens ont épuisé tous les genres d'histoire, hors le genre chrétien. À cette première cause de l'infériorité de nos historiens, tirée du fond même des sujets, il en faut joindre une seconde, qui tient à la manière dont les anciens ont écrit l'histoire. Ils ont épuisé toutes les couleurs, et si le christianisme n'avait pas fourni un caractère nouveau de réflexions et de pensées, l'histoire demeurerait à jamais fermée aux modernes. Jeune et brillante sous Hérodote, elle étala, aux yeux de la Grèce, la peinture de la naissance de la société et des mœurs primitives des hommes. On avait alors l'avantage d'écrire les annales de la fable en écrivant celles de la vérité. On n'était obligé qu'à peindre et non pas à réfléchir. Les vices et les vertus des nations n'en étaient encore qu'à leur âge poétique. Autre temps, autre mœurs. Thucydide fut privé de ses tableaux du berceau du monde, mais il entra dans un champ encore inculte de l'histoire. Il retraça avec sévérité les maux causés par les dissensions politiques, laissant à la postérité des exemples dont elle ne profite jamais. Xénophon découvrit à son tour une route nouvelle. Sans s'appesantir et sans rien perdre de l'élégance attique, il jeta des regards pieux sur le cœur humain et devint le père de l'histoire morale. Placé sur un plus grand théâtre et dans le seul pays où l'on connut deux sortes d'éloquence, celle du barreau et celle du forum, Tite-Live les transporta dans ses récits. Il fut l'orateur de l'histoire comme Hérodote en est le poète. Enfin, la corruption des hommes, les règnes de Tibère et de Néron, firent naître le dernier genre de l'histoire, le genre philosophique. Les causes des événements qu'Hérodote avait cherchés chez les dieux, Thucydide dans les constitutions politiques, Xénophon dans la morale, Tite-Live dans ces diverses causes réunies, Tacite les vit dans la méchanceté du cœur humain. Ce n'est pas, au reste, que ces grands historiens brillent exclusivement dans le genre que nous nous sommes permis de leur attribuer, mais il nous a paru que c'est celui qui domine dans leurs écrits. Entre ces caractères primitifs de l'histoire se trouvent des nuances qui furent saisies par les historiens d'un rang inférieur. Ainsi Polybe se place entre le politique Thucydide et le philosophe Xénophon. Salluste tient à la fois de Tacite et de Tite-Live. Mais le premier le surpasse par la force de la pensée, et l'autre par la beauté de la narration. Suétone conta l'anecdote sans réflexion et sans voile. Plutarque y joignit la moralité. Velleius Paterculus apprit à généraliser l'histoire sans la défigurer. Florus en fit l'abrégé philosophique. Enfin, Diodore de Sicile, Trogue Pompée, Denis d'Halicarnasse, Cornelius Nepos, Quinte Curse, Aurelius Victor, Amiens Marcelin, Justin, Eutrope, et d'autres que nous taisons ou qui nous échappent, conduisirent l'histoire jusqu'au temps où elle tomba entre les mains des auteurs chrétiens, époque où tout changea dans les mœurs des hommes. Il n'en est pas des vérités comme des illusions. Celles-ci sont inépuisables, et le cercle des premières est borné. La poésie est toujours nouvelle, parce que l'erreur ne vieillit jamais, et c'est ce qui fait sa grâce aux yeux des hommes. Mais en morale et en histoire, on tourne dans le champ étroit de la vérité. Il faut, quoi qu'on fasse, retomber dans des observations connues. Quelle route historique non encore parcourue restait-il donc à prendre aux modernes? Ils ne pouvaient qu'imiter, et dans ces imitations, plusieurs causes les empêchaient d'atteindre à la hauteur de leur modèle. Comme poésie, l'origine des Cats, des Tencters, des Matiaques, n'offrait rien de ce brillant Olympe, de ces villes bâties au son de la lyre, et de cette enfance enchantée des Hélènes et des Pélages. Comme politique, le régime féodal interdisait les grandes leçons. Comme éloquence, il n'y avait que celle de la chair. Comme philosophie, les peuples n'étaient pas encore assez malheureux ni assez corrompus pour qu'elle eût commencé de paraître. Toutefois, on imita, avec plus ou moins de bonheur. Bentivoglio, en Italie, calca Titliv, et serait éloquent s'il n'était affecté. Davila, Guicciardini et Fra Paolo eurent plus de simplicité, et Mariana, en Espagne, déploya d'assez beaux talents. Malheureusement, ce fougueux jésuite déshonora un genre de littérature dont le premier mérite est l'impartialité. Hume, Robertson et Gibbon ont plus ou moins suivi ou Salluste ou Tacite. Mais ce dernier historien a produit deux hommes aussi grands que lui-même, Machiavel et Montesquieu. Néanmoins, Tacite doit être choisi pour modèle avec précaution. Il y a moins d'inconvénients à s'attacher à Titliv. L'éloquence du premier lui est trop particulière pour être tentée par quiconque n'a pas son génie. Tacite, Machiavel et Montesquieu ont formé une école dangereuse en introduisant ces mots ambitieux, ces phrases sèches, ces tours prompts qui, sous une apparence de brièveté, touchent à l'obscur et au mauvais goût. Laissons donc ce style à ces génies immortels qui, par diverses causes, se sont créés un genre à part, genre qu'eux seuls pouvaient soutenir et qu'il est périlleux d'imiter. Rappelons-nous que les écrivains des beaux siècles littéraires ont ignoré cette concision affectée d'idées et de langage. Les pensées des Titliv et des Bossuet sont abondantes et enchaînées les unes aux autres. Chaque mot chez eux naît du mot qui l'a précédé et devient le germe du mot qui va le suivre. Ce n'est pas par bond, par intervalle et en ligne droite que coulent les grands fleuves, si nous pouvons employer cette image. Ils amènent longuement de leur source un flot qui grossit sans cesse. Leurs détours sont larges dans les plaines. Ils embrassent de leurs orbes immenses les cités et les forêts, et portent à l'océan agrandi des eaux capables de combler ces gouffres.